Diez, USR Bin ENV Python 3. Diez asterisque coding, UTF-8 asterisque. Livre organisateur des e-livres, Eliman Diop. Coût au but objectif, séparé production vs archive plus ajouté.txt. From patlib import pass. Import chutil. Import re. Diez égale configuration égale. Base égale pass, home Eliman livre écrit. Prod égale pass, home Eliman livre écrit 00 production. Archive égale pass, home Eliman livre écrit 99 archives. Diez création des dossiers de destination. For folder in prod, archive. Folder.mkdir, exist-ok égale trop. Folder cell-et-sable.mkdir, exist-ok égale trop. Folder sonco-livrin.mkdir, exist-ok égale trop. Diez égale mot-clé pour le tri égale. Mot-basse-let-sable égale sel, sable, Aïcha, mentor, shérif, track, sentinelle, introduction, berceau. Mot-basonco égale sonco, pastef, AES, panafricanisme, diomet, France, Sénégal, parti, chapitre. Mot-archive égale Cohen, Gemini, Mistral, Claude, copilote, perplexity, version, brouillon, message, email, récapitulatif, plan. Dev categories-bafil, filonam. Détermine la catégorie d'un fichier selon son nom. Name-balowe égale filonam.lowe. Ifani, mname-balowe for mnmo-basselet-sable. Return cell-by-sable. Elifani, mname-balowe for mnmo-basonco. Return sonco-livrin. Else. Return archive. Dev clean-bafilonam, name. Nettoie le nom du fichier pour compatibilité universelle. Diez supprimer caractère problématique. Name égale re.sub, r asterisque asterisque, name. Name égale re.sub, rs plus, name, point strip. Name égale name point replace. Return name, 80 diez limiter la longueur. Diez égale traitement égale. Stat égale cell-by-sable, 0, sonco-livrin, 0, archive, 0, erreur, 0. Print, flèche dans le sens contraire des aiguilles d'une montre démarrage de l'organisation, n. For f in base point interdire. Diez ignorer les dossiers de destination et fichiers système. Iff.name in 00 production, 99 archives, rescue-by-image.orf.name.startsuite, point. Emoticone tristesse. Continue. Iff.is-bafil. Catégorie égale categories-bafil, f.name. New-baname égale clean-bafilonam, f.name. Diez ajouté.txt si absence d'extension. If note new-baname.endsuite.txt, end.note in new-baname. New-baname plus égale e.txt. Diez déterminer destination. If catégorie égale archive. Dest égale archive new-baname. Else. Dest égale prod catégorie new-baname. Try. Chutil.copy2, f, dest, dies copy2 préserve les métadonnées. Stat catégorie e plus égale 1. Print, f coche épaisse blanche catégorie, 3 au point upper, f.name, 45. Except exception à e. Stat erreur e plus égale 1. Print, f croix erreur sur f.name, e. Dies égale récapitulatif égale. Print, f n égale astérisque 60. Print, f graphique à barre résultat final. Print, f égale astérisque 60. Print, f livre ouvert sel et sable, stat sel-by-bas sable fichier. Print, f livre sonco-livrin, stat sonco-livrin fichier. Print, f intercalaire archive, stat archive fichier. Print, f signe avertissement erreur, stat erreur. Print, f n classeur dossier prêt. Print, f production, prod. Print, f archive, archive. Print, f n étincelle prochaine étape, vérifier 00 production cell-by-sable.